De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1 et toujours avec Valérie Levé. Si vous vous souvenez, nous avons fait plutôt cet hiver quelques entrevues sur la physique quantique, les ordinateurs quantiques, les matériaux quantiques. La raison en est que 2025 est l'année internationale des sciences et technologies quantiques. Alors, pour poursuivre sur notre lancée, je reçois ce soir Olivier Bernard. Il est étudiant au doctorat en physique à l'Université de Sherbrooke et membre de l'Institut quantique. Bonjour Olivier. Et bonjour Valérie. Alors Olivier, tu travailles sur l'effet magnétocalorique rotatif avec des cristaux anisotropes. Bon, ça, à première vue, moi, c'est des mots qui me font un petit peu peur, des mots un peu compliqués. Alors, on va les prendre un par un. Alors, je te propose qu'on commence par cristaux anisotropes. Qu'est-ce que c'est, ça, des cristaux anisotropes? Ouais, un cristal anisotrope, ça veut simplement, ben, simplement. Ça veut dire que ses propriétés mécaniques, magnétiques, etc., changent en fonction de l'orientation avec laquelle on observe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons le fer, par exemple. Le fer, c'est un cube, un cube centré, on va parler. Mais peu importe comment je regarde mon cube, ça va toujours être un cube. Puis le fer est composé d'une multitude de cubes qui sont empilés les uns avec les autres. Je vais voir ça comme des blocs Lego de taille 1 qu'on empile. Mais moi, dans mon matériau, ce serait par exemple des blocs Lego déformés de taille 3, 4, et ainsi de suite. Et des côtés qui ne sont pas pareils aux autres. Fait que dépendamment de comment est-ce que je vais agencer ces matériaux-là ou ces blocs Lego-là, ça va donner une structure qui ne se répète pas dans l'espace, dans toutes les directions. Fait que dans une direction, ça va être un cube, mais dans l'autre, ça va être un rectangle, par exemple. Et donc, ça leur donne des propriétés différentes selon les dans quelle direction on regarde? Oui. Tout à fait. Fait que, par exemple, le fer, je vais souvent prendre le fer comme exemple. Quand je l'aimante, peu importe comment je vais l'orienter ou peu importe ce que je vais faire au fer, il va toujours avoir la même réponse à un champ magnétique. Mais si je prends les matériaux que j'étudie dans ma thèse, dépendamment de comment est-ce qu'ils vont être orientés ou comment je le regarde, son aimantation va changer. Fait qu'il va y avoir des côtés qui vont être très aimantés et des côtés qui vont être aucunement aimantés du tout. D'accord. Et donc, ça veut dire que ce cristal anisotrope, il peut être aimanté, il se comporte comme un aimant. Oui, on va parler d'un aimant temporaire. Parce qu'une fois qu'on va retirer le champ magnétique, le matériau ne sera plus aimanté du tout. OK, il faut le mettre dans Mais un champ quand, ouais. magnétique pour que le matériau soit, que ce cristal soit aimanté. Ouais, tout à fait. Il ne conservera pas son aimantation. Puis de surcroît, puisque ce matériau est anisotrope, lorsque je le tourne, disons, je prends mon téléphone, le champ magnétique est vers le ciel, par exemple. Et en ce moment, il y a une aimantation très faible. Mais si je le tourne comme ça, son aimantation, tout d'un coup, va être très grande. Le grand côté qui va être parallèle au champ magnétique. OK. Donc, à cause des propriétés qui sont différentes de la géométrie, en fait, du matériau anisotrope, son aimantation va être différente selon l'orientation qu'on lui donne dans le champ magnétique. Oui, exactement. OK, d'accord. Ça commence à rentrer un petit peu. Donc, on a ces cristaux anisotropes qui peuvent donc être aimantés. Et maintenant, dans le mot, là, dans effet magnétocalorique, il y avait aussi donc le mot calorique. Donc, c'est quoi le rapport avec la chaleur? C'est la question la plus longue à répondre, parce que c'est plein, il y a plein de petites réponses qui vont donner la réponse à la fin. Comme tu le sais déjà, la matière, c'est faite d'atomes. Dépendamment de comment que les atomes sont agencés, que ce soit des cubes, des rectangles, peu importe, il va y avoir des forces entre ces atomes-là. On va appeler ça des interactions. L'aimantation, c'est un type d'interaction qui existe. Là, en plus d'avoir des interactions, il y a aussi des spins que chaque atome a, que les électrons peuvent en avoir, les protons, ainsi de suite. L'atome lui-même va en avoir un. Un spin, c'est Et le... comme un mouvement de rotation sur lui-même, c'est ça? Ouais, ben, le nom est un peu trompeur parce que c'est un peu mal défini. Parce qu'initialement, historiquement, on croyait que c'était ça. Le spin, on pensait que c'était un moment d'inertie rotative. On appelait ça le spin. Mais c'est beaucoup plus intimement lié au niveau d'énergie. puis alimentation d'un système qui a un spin sur lui-même. Par contre, l'orientation du spin va se déplacer, va changer dans le temps. Ça, il va y avoir des interactions, par exemple, la vibration d'un réseau. Donc, si j'ai deux atomes qui vibrent, deux atomes différents, mais ils vont vibrer, et le spin que chacun a va changer dépendamment de la position de un a par rapport à l'autre. Je vais donner un exemple. Donc là, puisque les spins sont libres, on n'applique pas de champ magnétique extérieur à ce système-là. Les atomes vont interagir entre eux. Mais lorsqu'on va lui appliquer un champ magnétique, par contre, ça va forcer les spins dans un état, que ce soit aligné avec le champ ou en opposé au champ magnétique. Dans ce cas-là, puisque les spins ne peuvent plus bouger ou sont plus libres de faire ce qu'ils veulent, l'énergie cinétique, en guillemets, c'est comme ça qu'on l'interprète. L'énergie cinétique, il faut qu'elle aille quelque part. Fait que ça devient la vibration du réseau et le matériau va chauffer. Fait que lorsqu'on augmente l'alimentation, le système chauffe, la Chauffe. température augmente. Ah oui. Ouais, parce que le réseau vibre. Ah oui, c'est toujours comme ça. Il y a toujours, même quand on prend quelque chose et qu'on l'aimante, il y a toujours une vibration à l'intérieur parce que les spins se figent et donc une libération de chaleur. Ouais. Par contre, dépendamment du matériau, on va plus ou moins le percevoir. Par exemple, moi, les matériaux que j'étudie, eux, ils fonctionnent à environ moins 260 degrés Celsius. Fait que si je prends ce matériau-là puis je fais l'expérience à température pièce, je ne pourrais pas percevoir le changement de température parce que l'aimantation qu'il est capable d'avoir trop petite. Mais si on a un matériau qui s'aimante beaucoup à température pièce, là, on va avoir des changements de température notables. Le gadolinium, c'est l'exemple le plus. C'est utilisé à toutes les sauces dans le monde du magnétisme. C'est parce qu'il fonctionne à température pièce. Le cas Quand on de aimante, il chauffe. Le lequel la gadolinium. de quoi? C'est. La matière, c'est GD, son symbole atomique, c'est du gadolinium. Gadolinium. Ah, ça va, on met des noms super longs à tout, là, pour avoir de l'air hyper intelligent. Mais ce matériau-là fonctionne à température pièce, ce qui est vraiment très pratique pour faire des expériences sans avoir besoin d'un système cryogénique autour. On peut voir ce qui se passe au matériau. Le gadolinium fonctionne à température pièce, puis on voit le changement de température. On peut le sentir quand on l'aimante, avec nos mains pratiquement. Pour répondre à ta question, oui, ça va toujours arriver, mais dépendamment de l'aimantation du matériau, on ne va peut-être pas le percevoir. Le fer ou l'acier, à température pièce, il n'y a pas assez d'aimantation ou on n'a pas assez des aimants assez forts qu'on puisse ressentir à la main le changement de température. Par contre, quand on applique un champ magnétique assez fort, il y a des bobines qui existent pour faire de l'induction dans les matériaux, l'induction magnétique. Mais là, on voit que le matériau, il fond, puis il y a de l'énergie thermique. Mais le champ interne, le champ qui est induit, est beaucoup plus grand que ce que notre aimant de frigo, par exemple, donne comme champ magnétique. Fait que ça, c'est pour le chauffer. Pour le refroidir, c'est le même principe. On veut changer l'alimentation, mais cette fois-ci, on veut réduire l'alimentation. Fait que j'enlève le champ magnétique, par exemple, et tout d'un coup, les spins sont libres de se déplacer et de refaire ce qu'ils faisaient avant. Et donc, mais l'énergie, il faut qu'elle vienne de quelque part. Au lieu de donner l'énergie au réseau, ben, ils vont absorber l'énergie du réseau, ce qui va faire refroidir le cristal qu'on étudie. Ah oui, ah d'accord, donc ça va faire refroidir le cristal. Mais pour ça, il faut d'abord qu'il ait été aimanté et donc on le sort du champ, on enlève le champ magnétique et à ce moment-là, les spins se remettent dans leur état un petit peu brouillon, là, leur état un peu quelconque. Ce faisant, ils ont besoin d'énergie pour ça et donc ça refroidit le matériau. Ouais, parce que les atomes qui vibraient, Ouais. ben, cette énergie-là va être donnée aux spins qui Ah puissent oui. agir de la façon qu'ils veulent. Donc là, maintenant, les atomes qui vibraient ne vibreront plus. Donc là, l'énergie thermique qui était émise, ben, elle n'existe plus. Elle va être absorbée par les spins. Donc nous, qu'est-ce qu'on va voir? On va percevoir un refroidissement du matériau dans ce cas-là. Ouais, d'accord. Donc là, on a vu donc magnéto, calorique, rotatif, c'est pour le fait que l'aimantation dépend de l'orientation du matériau dans le champ magnétique. C'est pour ça, dans effet Exact. photocalorique rotatif, c'est parce que cet Exact. effet-là, finalement, il dépend de l'orientation de l'orientation du matériau dans le champ magnétique. Exactement. Oui, exactement. On pourrait voir ça un peu de façon classique. L'effet magnétocalorique, c'était des mouvements très linéaires. Mais c'est encore des mouvements très linéaires. On pourrait voir ça un peu comme de la danse en ligne, par exemple. À la fin ou au début d'une soirée. T'sais, au début de la soirée, il fait chaud, on l'aimante. À la fin de la soirée, on désaimante, il refroidit. Tandis que le rotatif, on pourrait voir ça comme une valse. Oui, il y a un peu de déplacement rotatif, mais il y a beaucoup de déplacement circulaire, une rotation sur elle-même du matériau. Ou du moins, c'est comme ça que je me l'imagine. Ouais, d'accord. Donc là, on a cet effet magnéto-calorique rotatif. Tu disais, bon, finalement, le matériau sur lequel tu étudies ça, il va chauffer ou il refroidir. Donc, est-ce que ça peut être un système, finalement, pour produire de la chaleur ou produire du froid à une échelle plus grande, à une échelle macroscopique, pour nos besoins à nous? Est-ce qu'on pourrait en venir là? C'est un des objectifs là. Ben, moi, personnellement, j'y crois. Ouais. Je suis sûr que n'importe quel chercheur préférablement croit à son projet. Mais si on trouve, là, c'est un gros si, mais il existe des matériaux qui fonctionnent à température pièce. En les utilisant, on pourrait se faire un système réfrigérant à température pièce. Il existe Comme des avec prototypes pour le le gadolinium magnétocalorique. dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Oui, exact. Mais justement, les prototypes qui fonctionnent à température pièce de l'effet magnétocalorique classique utilisent des échantillons de gadolinium, notamment. Et les systèmes fonctionnent. Le problème, c'est simplement la quantité de matière. Du gadolinium, il n'y aurait peut-être pas assez pour faire tous les réfrigérateurs de la planète. Mais si on peut trouver un matériau qui utilise du fer et de l'aluminium et du carbone, alors tout d'un coup, on se retrouve avec une quantité phénoménale de matériaux, de matière qu'on pourrait utiliser. Donc, oui, ça pourrait se faire. Simplement trouver le bon matériau. Puis après, une fois que c'est fait, une fois que la théorie est bien comprise, on donne ça aux ingénieurs, puis ils vont pouvoir faire des appareils extraordinaires avec ça. Sauf qu'il faut quand même le produire, ce champ magnétique. Donc, on a besoin Ouais. d'énergie, peut-être, pour produire ce champ magnétique. Donc, il faut calculer, il faut voir si c'est réellement efficace. On produit le champ magnétique pour ensuite produire du chaud ou du froid. Mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'utiliser cette énergie pour produire du chaud et du froid directement? Oui, ouais, pour ben c'est ça, disons, une plante électrique au Québec, c'est difficile de faire plus efficace. T'sais, on transforme l'énergie à travers une résistance, puis ça crée de la chaleur directement. Pour un réfrigérateur, par contre, tous les systèmes de réfrigération, comme les systèmes AC, ben ça vaut la peine parce que oui, il y a un aimant. Idéalement, on veut un aimant permanent, qu'on n'a pas besoin d'injecter d'énergie dedans, et pas un électro-aimant. Si on a un aimant permanent, disons qu'il fonctionne à un Tesla, pour avoir un changement de température intéressant. Si la planète Terre, c'est un millitesla sur le champ magnétique. Si on a un aimant de un Tesla, ça fait un changement de température à chaque rotation de 1 degré Celsius, par exemple. Ben, au bout, là, c'est sûr qu'il faut qu'on ait plusieurs cristaux à différentes températures, mais tu sais, au bout d'une trentaine de cycles, on pourrait avoir quelque chose qui frise les 5 degrés Celsius à partir de 25 degrés Celsius. Il devient vraiment intéressant. Mais toi, c'est pas sur ce matériau-là que tu travailles, c'est sur des cristaux anisotropes. Et tu disais que l'aimantation, c'était à des très petites températures, là, très basses, là, très, très, très, très Ouais. basses. Donc, c'est quoi l'objectif de ta recherche? C'est pour comprendre vraiment la physique du phénomène? Ouais, en ce moment, je travaille sur comprendre l'origine du phénomène. Pourquoi est-ce que les matériaux fonctionnent comme ils font? Donc là, j'étudie les deux matériaux que j'étudie en ce moment, qui utilisent des terres rares qu'on appelle, puis on appelle ça des terres rares parce qu'il n'y a pas beaucoup de gisements sur la planète. Mais ces terres rares-là ont des propriétés magnétiques intéressantes quand elles sont combinées à de l'oxygène et du manganèse, par exemple. Puis là, à très, très, très basse température, à laquelle eux fonctionnent le mieux, c'est aussi toute la thermométrie du laboratoire dans lequel je travaille fonctionne à cette température-là. Mais ouais, c'est principalement pour m'aider à développer un modèle théorique, comprendre pourquoi est-ce qu'il fonctionne. Puis là, une fois que la théorie de base est bien encadrée, bien faite, mais on peut la tester avec d'autres matériaux. Ça va faire un effet boule de neige. Ouais, c'est ça. Donc, avec des matériaux qui auraient éventuellement un usage, une application, dire, Effectivement. à plus grande échelle. peut-être. Il y a des températures plus intéressantes pour nous. Ouais. C'est Parce sûr, aux températures que je travaille, on liquéfie de l'hélium puis de l'azote. C'est sûr ouais. que ce n'est pas à grande échelle. T'sais. Ça, c'est les utilisations principales, ça va dans le monde du médical, faire des opérations au cœur, Ah puis ouais. au cerveau. Ça va être pour l'azote. Puis pour l'hélium, on peut refroidir des IRM, par exemple. Là, on fait de l'imagerie. Mais ça, c'est les principales utilisations à ces températures-là. Ben, ces utilisations-là dans le domaine médical, ça va me permettre de faire le lien avec ton autre vie parce qu'à côté de ton doctorat, tu travailles comme auxiliaire de recherche en neurochirurgie au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Est-ce que ça a un rapport avec ta recherche? Pas du tout, en fait. Moi, quand j'étais plus jeune, un de mes rêves, c'était de travailler dans le médical pour aider les gens qui ont perdu des membres ou les gens paraplégiques. En neurochirurgie, c'est l'opportunité que j'ai, en fait, en ce moment. Donc, c'est un autre domaine complètement, en fait. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans ce laboratoire? En ce moment, c'est beaucoup du support théorique. En fait, je remplis les trous théoriques. Parce qu'en médecine, ils ont beaucoup de choses à apprendre, ils n'ont pas le temps d'apprendre la physique Ouais. nécessairement. Donc, c'est là que mon rôle devient hyper intéressant. C'est ma formation. Donc, je rentre là, puis tous les aspects physiques, les calculs, les conceptions, etc., ça va être moi qui va être affecté à ça. Donc ça va être quoi comme parce que là donc tu travailles sur la moelle épinière, c'est ça? Oui, Enfin, en tout cas, dans merci le beaucoup. laboratoire, c'est c'est un travail sur la moelle épinière. Donc quelles sont les notions physiques, les notions de physique que tu apportes? C'est beaucoup le. En ce moment, ma priorité, c'est comprendre comment est-ce que le champ électrique qu'on applique, en ce moment, ce qu'on essaie d'appliquer un champ électrique à l'aide d'électrodes, comment est-ce que celui-ci se propage et comment il interagit dans la moelle épinière. On veut mieux comprendre comment est-ce que la moelle répond à un champ appliqué. Là, par la suite, une fois que c'est compris, c'est de comprendre ben, quel genre de champ qu'on envoie avec les électrodes, quelle forme, quelles sont les interactions, la propagation, etc. On continue comme ça. Là, à partir de ce noyau-là, on peut étendre l'idée. Là, on parle de la moelle épinière qui est très structurée, mais éventuellement, on pourrait amener l'idée, les principes au cerveau, qui est un peu plus un spaghetti. Donc, si on comprend bien la matière qui est bien structurée, bien simple, puis on la segmente pour le cerveau, c'est une technologie qui pourrait être adaptée facilement. Si on comprend les bases, mon objectif, c'est de comprendre les bases et donner un bon tapis théorique qu'on peut utiliser par la suite. Mais c'est quand même assez fascinant parce que faire un doctorat, c'est quand même déjà beaucoup de travail. Je suis passée par là, je sais que c'est quand même beaucoup d'investissement. Là, c'est du travail à temps plein, plus que du temps plein. Comment tu trouves le temps de faire un autre travail à côté qui est quand même assez, qui est sûrement très prenant également, puis pas mal intéressant aussi d'ailleurs. Ouais. C'est vachement intéressant pour perdre le gros mot. Pour trouver le temps, c'est des sacrifices personnels. T'sais, des choses que je fais pas, des activités sociales que je sacrifie pour pouvoir travailler. Par contre, j'ai aussi l'opportunité, la personne avec qui je travaille, là, Christian, il m'a donné l'opportunité de travailler à temps partiel d'ici à ce que je termine mon doctorat. C'est vraiment une bénédiction, si je peux dire ça comme ça. Vraiment très, très chanceux d'avoir cette opportunité-là. C'est ça qui me permet à la fin de faire les deux choses. Mais si c'est deux emplois à temps plein, ça resterait beaucoup de sacrifices. Probablement que je serais tenté parce que c'est ça que je veux faire, là, mais. Ouais. Est-ce que ultérieurement, tu envisages de rejoindre un petit peu la physique que tu ta recherche que tu fais pour ton doctorat? Est-ce qu'il peut y avoir une convergence vers le domaine médical? Est-ce que c'est quelque chose Ce que tu aimerais, serait. vu ton intérêt quand même pour le domaine médical? C'est ça que j'aimerais ça beaucoup. Ce serait de voir quel genre de matériaux que je peux utiliser, puis si c'est possible de miniaturiser la technologie. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Pour le moment, j'ai du mal un peu. Donc, même dans la prochaine décennie, j'ai un peu de mal à envisager comment mon projet de doctorat pourrait être appliqué à mes projets en médecine, malheureusement. Directement, du moins. Ah ouais, mais peut-être qu'il peut y avoir, on ne sait pas sur quoi peuvent déboucher, c'est les sciences quantiques, la physique quantique, toutes ces connaissances qu'on développe, on ne sait pas trop sur quel type de nouvelles applications ça peut déboucher, et puis sait-on jamais. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai, dépendant du débouché qu'il va avoir, ça pourrait accélérer incroyablement l'avancée. Très Oui. bien. Très bien. Donc voilà, on a fait un plongeon dans ce monde de bon des matériaux, des cristaux anisotropes et de l'effet magnétocalorique rotatif qu'on peut observer sur des cristaux anisotropes grâce aux explications de Olivier Bernard. Je te remercie beaucoup, Olivier, de nous avoir fait plonger dans ce monde avec des images quand même assez des explications quand même assez détaillées, assez intéressantes. Alors je te remercie beaucoup, Olivier, et je te souhaite bonne continuation dans tes recherches et peut-être qu'un jour tes deux passions se rejoindront. J'espère aussi. Merci beaucoup Valérie pour l'opportunité et l'entrevue. C'est vraiment apprécié. Voilà, alors je rappelle que nous étions en compagnie de Olivier Bernard, qui est étudiant au doctorat en physique à l'université de Sherbrooke. Alors c'est la fin de Futur Simple et c'est maintenant l'heure de vous laisser poursuivre votre soirée sur CKRL 89.1 avec Calypso de Moine et En Aparté. Negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? En la luna negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. C'est mieux que la Bible. Des soupers après mes journées dures et ennuyantes, pour que je m'endorme toujours en homme libre.